إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فسنشرع في هذا الدرس الأول بإذن الله تعالى إلى قراءة من رسالة صغيرة وعظيمة الاهتمام، ألا وهي رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد للقرن الثاني عشر الهجري. وسنقرأ أيضا معه شرحا مختصرا لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. Donc je disais, nous allons entamer, bi'idhnillah, le premier cours concernant les quatre règles de base dans la croyance de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, le réunificateur de la religion au XIIe siècle de l'Hégire, avec un commentaire résumé du grand savant, Cheikh أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال الشارح في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد هيأ الله في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقام بدعوة التوحيد في نجد، وكتب الله لها النجاح بعد جهاد مرير وطويل، فألف المؤلفات وجاهد المشركين حتى دخلوا في دين الله وعادوا إلى رحابه فوحدوه. ومن ضمن مؤلفاته وأعظمها نفعا الثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، والقواعد الأربع، والتي هي مقصود بحثنا الآن. Donc le Cheikh Najmi, qui est le commentateur de ce petit livre, nous dit dans son introduction, après les louanges d'Allah, Seigneur des mondes, et la prière et salutation sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ainsi que ses compagnons, après ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté, ce grand savant, qui est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lors du XIIe siècle de l'Hégire. Et il a appelé, il a invité les gens au tawhid, au monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la région de Najd, qui est dans la péninsule arabique, qui a pour grande ville Riyad, Al-Qasim. Et Allah a donné réussite à son prêche après un grand combat et un dur combat. Il a écrit beaucoup d'ouvrages et il a combattu les polythéistes, ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qu'ils entrent dans la religion d'Allah et qu'ils retournent à lui. Et ils sont devenus ainsi des monothéistes. Et parmi les ouvrages écrits par ce grand cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et les plus importants et les plus bénéfiques, il y a Al-Thalathatul Usul ou Al-Usulul Thalatha, les trois fondements de base. Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, le livre de l'unicité d'Allah. Wa Kashf al-Shubuhat, c'est, comment ils traduisent, Kashf al-Shubuhat, dissipation des ambiguïtés. Dissipation des ambiguïtés dans le domaine du Tawhid. Wa al-Qawa'id al-Arba, et les quatre règles de base. Et c'est cet ouvrage, les quatre règles de base, qu'on va étudier, Inch'Allah. فأفضل وأحسن ما يدرسه الإنسان هو التوحيد لأنه من أجله خلقنا لأنه من أجله خلقنا كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس رضي الله عنه إلا ليعبدون أي ليوحدون ليوحد الله تبارك وتعالى أي يعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاعلم أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فمن أجل ذلك خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته ولتوحيده والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء والمرسلين من قبله والمرسلون من قبله أول ما كانوا يدعون إليه هو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في مكة يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأرسل معاذا ابن جبل رضي الله عنه ومرة موسى أبا موسى الأشعري وكذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين إلى اليمن داعين إلى الله تبارك وتعالى وعلمهم أن يدعوا إلى توحيد الله أولا فقال لمعاذ رضي الله عنه إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث Donc, la plus importante chose que tu dois apprendre, le meilleur des enseignements, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que pour illa liya'budun, c'est-à-dire qu'ils m'unifient, qu'ils appliquent le monothéisme, qu'ils m'adorent seul sans rien m'associer. Et c'est le premier prêche, ce à quoi ont appelé tous les prophètes et tous les messagers, ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le sens des versets, Et nous avons envoyé à chaque nation un messager pour appeler, chacun appelle son peuple, à n'adorer que Allah seul et de ne rien lui associer et de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. De même qu'Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et nous n'avons pas envoyé de message avant toi sans qu'ils ne disent à leur peuple, sans qu'on leur révèle de dire à leur peuple que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, alors adorez-moi. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le prophète, de même qu'Allah nous dit, Allah témoigne qu'il n'y a pas de divinité ni d'être adoré si ce n'est lui. Et l'accompagne dans ce témoignage les anges et les hommes dotés de sa voix. De même qu'Allah dans le Coran sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. C'est la parole la plus importante, ce pourquoi Allah nous a créé. La première des choses à laquelle a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes et les messagers qui l'ont précédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant à la Mecque, il disait à son peuple, ô peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Et il a envoyé des grands compagnons pour prêcher l'islam au Yémen. Tantôt il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, il a aussi envoyé Abu Musa al-Ash'ari, il a aussi envoyé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu majma'in. Et il a dit à Mu'ad, ô Mu'ad, je t'envoie vers des gens du livre, que la première des choses à laquelle tu les invites soit le témoignage de la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah, jusqu'à la fin du hadith. إذن يجب على كل إنسان أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم معنى الشهادة وأن يتعلم المقصود من الشهادة حتى يطبقها حق التطبيق. C'est pour cela qu'il est une obligation pour chaque musulman d'apprendre le sens du témoignage de la profession de foi de la ilaha illallah pour qu'il la comprenne convenablement et qu'il puisse la mettre en pratique convenablement. قال المؤلف رحمه الله قال اذا قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا في المتن ثم نقرا في الشرح قال اسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. Donc nous lisons d'abord le texte original du livre, puis après on lit le commentaire. Donc le texte qui est de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc le Cheikh de l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah nous dit: je demande à Allah le généreux, le seigneur du trône, du grand trône, qu'il soit à tes côtés dans ce bas monde, qu'il t'assiste dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il fasse de toi une personne bénie là où que tu sois. Al-Sharh wa Sharh wa Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Ya laha min da'watin ma a'zamaha. فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا وحاز الدرجات العلا وأكرمه الله بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت ويصح فلا يسقم ويشب فلا يهرم. Donc le commentateur الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله dit dans le commentaire: quelle bonne invocation et quelle est grande cette invocation. Celui qui est assisté par Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà a vraiment gagné et a vraiment réussi. Et il aura gagné les grands degrés et Allah l'honneur par le paradis, l'entrée du paradis. Le paradis, celui qui entre, il vivra sans jamais mourir. Il sera en bonne santé, sans jamais tomber malade. Et il sera jeune, sans jamais vieillir. إذا تولاك الله في الدنيا يسر لك العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة ووفقك للعمل به وإذا تولاك في الآخرة صرف عنك العذاب ويسر لك أسباب السعادة فكان البرزخ هذا العالم اللي بين الحياة الدنيا والآخرة يسمى البرزخ وهو عالم القبور فكان البرزخ في حقك نعيما وفزت بالجنة بعد ذلك وإذا جعلك مباركا أينما كنت فقد حصل لك ما يتمناه الصالحون من الأعمال الصالحة الخالصة لله جل وعلا التي يترتب عليها الخير في المواطن الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة. Donc, le commentateur nous dit, et si Allah t'assiste dans ce bas monde, il te facilite la quête du savoir authentique. Pas n'importe quel savoir, le véritable savoir, la véritable connaissance qui est puisée, prise du livre, le Coran, et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te facilite la mise en pratique de ce savoir authentique. Et s'il t'assiste dans l'au-delà, il éloignera de toi le châtiment de l'enfer. Et il te facilitera les causes du bonheur. Et de ce fait, l'entre-deux mondes, Al-Barzakh, c'est le monde des tombes. C'est le monde entre la vie de ce bas monde et l'au-delà. Quand quelqu'un meurt, il est dans un monde entre la vie de ce bas monde et l'au-delà, qu'on appelle en arabe Al-Barzakh. On pourra appeler l'entre-deux mondes. Et pour cette personne, l'entre-deux mondes sera pour lui un bonheur. Et il gagnera le paradis après cela. Et si Allah fait de toi quelqu'un de béni, là où que tu sois, alors il te donnera ce qu'espèrent les gens vertueux comme bonne œuvre sincère pour Allah Jalla wa Ala, et dont découle, du fait de ces bonnes œuvres faites sincèrement pour Allah, le bonheur et la réussite dans ces trois mondes-là. Ce bas monde, l'entre-deux mondes qui est le Barzakh, et l'au-delà. رأيتم يقول مباركا ولا يقول مبروك. كثير من الناس يستعملون كلمة مبروك ولكن يريدون مبارك، وهذا خطأ في اللغة. عليك أن تقول مبارك، يعني إنسان حصل عليه شيء نقول مبروك عليك، لا، هذا خطأ. نقول مبارك عليك، مبارك عليك. Je vais préciser une erreur commise dans le langage. Normalement, on doit dire Mubarak et on emploie à la place le mot Mabrouk. Ce n'est pas, ça n'a pas le même sens. وَقَدْ دَعَا لَكَ أَيْضًا فَقَالَ وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عنوان السعادة وهذا من المتن. Donc, et le commentateur nous dit, et il a continué à te faire des dua, l'auteur, Cheikh Mohamed Abdel Wahab, rahmallah, il a continué à te faire des dua en te disant, et là il nous cite une partie du texte original, et qu'il fasse de toi une personne à qui, lorsqu'il est donné, elle remercie. Lorsqu'elle est éprouvée, elle patiente. Et lorsqu'elle commet un péché, elle demande le pardon. Car ces trois choses-là sont la définition même du bonheur. يعني إنسان عنده هذه السمات فهذا عنده عنوان السعادة. Une personne qui a ces trois caractéristiques, ces trois points, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui a le bonheur en lui. إذا أعطي أعطاه الله يشكر الله سبحانه وتعالى. ابتلاه الله يصبر على بلاء الله تبارك وتعالى أذنب أخطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى. Donc c'est une personne, lorsqu'Allah lui donne quelque chose, il fait remercier Allah سبحانه وتعالى. Allah il l'éprouve par n'importe quelle épreuve, il fait preuve de patience et d'endurance. Et lorsqu'il commet des péchés, des erreurs, et nul n'est à l'abri de cela, il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sharh, le commentaire. Ay, 'ammatuha, fa Allahu يجزي الشاكرين بالزيادة ويعطي الصابرين الأجر العظيم الذي لا يحصره حاصر ولا يعده عاد، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. قوله: وإذا أذنب استغفر، نترجم ثم نرجع إلى هذا. C'est-à-dire, d'un point de vue général, Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui remercient par l'augmentation. Plus tu remercies et plus Allah il t'augmente. Plus tu remercies et plus Allah il te rajoute. Et Allah donne aux patients la grande récompense que personne ne pourra énumérer. Personne ne pourra compter tellement qu'elle est énorme cette récompense pour ceux qui font preuve de patience. Et il est dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ismuhu al-haqiqi, Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu, et donc dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, c'est un hadith qudsi, un hadith à thème divin, un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala parle, mais qui n'est pas un verset. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont multipliées. La récompense, la bonne action, est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à ce qu'Allah veut. Allah Azza wa Jal dit, sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Cela veut dire que pour le jeûne, la récompense elle est encore bien plus grande que cela. La personne qui jeûne délaisse sa nourriture, ses désirs pour moi. قال الشارح قوله وإذا أذنب استغفر أي إذا وقع في الذنب بسبب بشريته التي يتعرض بها إلى ما يتعرض له البشر فيقع في المعاصي من حيث يشعر أو لا يشعر، ولكن الله تعالى وعد ووعده الحق أن يغفر لمن استغفر وأن يتوب على من تاب. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقد أخبر رحمه الله في نهاية هذا الدعاء بأن هذه الثلاث الخصال هي عنوان السعادة. Donc le commentateur nous dit, c'est là sa parole, la parole de l'auteur, et lorsqu'il commet un péché, il demande le pardon, c'est-à-dire lorsqu'il tombe dans le péché à cause de son côté humain. C'est un être humain et il lui arrive ce qui arrive à tout humain. Il n'y a personne qui n'échappe à cela. Chacun a sa part d'erreur, chacun a sa part de péché. Donc en tant qu'être humain, il lui arrivera de tomber dans les péchés, de tomber dans les erreurs. Et ça, c'est son côté humain. Allah l'a créé un humain et il aura ce qu'ont tous les autres humains. Donc, il lui arrive de tomber dans les désobéissances. De là où il en est conscient ou pas. Parfois, il nous arrive de commettre des péchés tout en le sachant. Et parfois, on fait des péchés sans le vouloir, sans y prêter attention. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, Allah tabaraka wa ta'ala a donné sa promesse. Et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique. Qu'il pardonnera à tous ceux qui lui demanderont pardon. Et il acceptera le repentir à tous ceux qui se repentent. Et il y a dans le hadith Qudsi, un thème divin, Allah ta'ala dit, Allah l'élevé, dit, ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu interdit entre vous. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô vous mes serviteurs, vous commettez des péchés ou des erreurs pendant la nuit et la journée. Et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai mes serviteurs. Rapporté par Muslim, d'après Abu Dharr al-Rifari, radiyallahu anhu. Et l'auteur, rahimahullah, nous dit à la fin de cette invocation que ces trois points qu'on a vus, ces trois points, ces trois caractéristiques sont la définition même de, du bonheur. وهذا من عادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كثيرا ما نرى في بداية رسائله يبدأ بالدعاء للقارئ للذي يقرأ هذه الرسالة للذي يدرس هذه الرسالة للذي يسمع هذه الرسالة وهذا أدب رفيع. Et ça, c'est un point qui est propre à ce cheikh, rahimahullah, que lorsqu'il a pris l'habitude, que lorsqu'il écrit un ouvrage, souvent on le voit dans ses ouvrages, il les commence par des invocations faites à celui qui lira ce livre, faites à celui qui étudie ce livre, faites à celui qui écoute ce livre. Et ça, c'est un très grand comportement. Il fait des invocations pour vous, pour qu'Allah vous facilite l'acceptation et la mise en application de ce qui va suivre. Puis, donc le commentateur nous dit, l'auteur va entrer, après cette introduction qui est l'invocation faite, il va entrer dans le sujet du livre. قال المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc l'auteur رحمه الله nous dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que le pur monothéisme, qui est la voie d'Ibrahim, alayhi salam, consiste à adorer Allah seul, avec sincérité, à lui appartient la religion. Comme Allah le dit, et je n'ai créé, dans le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. الشرح لو كومونتير فهذه هي العباده التي تسمى عباده voilà l'adoration qui est vraiment nommée comme adoration, c'est celle-là qui est voulue, c'est-à-dire là il veut nous dire ce n'est pas n'importe quelle adoration que croient les gens, voilà la véritable adoration, c'est celle-là. والتي يحوز صاحبها الأجر الوفير والخير الكثير. C'est de cette adoration que découlera la grande récompense et l'énorme bien. أما من خلط فعبد الله وعبد غيره فإن عبادته لا تكون عبادة لله. Mais celui qui a mélangé, il a adoré Allah et au même moment il a adoré autre que Allah. Cette adoration n'est pas une adoration donnée à Allah. Même si d'un côté il a adoré Allah, mais au même moment il a adoré d'autres. De ce fait, le résultat c'est quoi? C'est qu'il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith alladhi yarwihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an rabbih, yani hadith qudsi, qala Allah ta'ala انا اغنى الشركاء عن اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. Et dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit, un hadith à thème divin, Allah l'élevé dit: je suis celui qui me suffit le, qui se suffit le plus. Il est nul, qui est le plus, qui a le moins besoin d'associer. Celui qui m'associe quelqu'un dans une action, je le délaisse, lui et ce qu'il a associé. Rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu. ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Puis il s'est argumenté avec la parole divine dans le sens du verset: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وفي هذه الآية ما يفيد بأن خلق الجن والإنس ما كان لشيء سوى العبادة فالله خلق العباد ليعبدوه ووعدهم بالمغفرة والجنة إذا عبدوه كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. يعني يقولون لا نعمل إذن، يكفينا هذا، يفرحون بهذا الكلام ثم لا يعملون. فقال له: لا تبشرهم فيتكلون. متفق عليه. Et dans ce verset, dans lequel, dans le sens du verset, Allah nous dit: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, il y a la preuve que la raison, il y a ce qui prouve que la raison pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes, ce n'est que pour l'adoration d'Allah. Allah n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Et il leur a promis le pardon et le paradis s'ils viennent à l'adorer sincèrement. Comme on retrouve cela dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quel est le droit des créatures sur Allah? J'ai dit: Allah et son messager en savent plus. Alors il dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtiera, pas une personne qui n'a pas associé, qui n'a pas commis de polythéisme. Alors j'ai dit, ô messager d'Allah, puis-je aller l'annoncer aux gens? C'est une grande annonce qui fait plaisir pour les monothéistes. Et est-ce que je peux aller l'annoncer aux gens? Et il lui a dit, non, ne leur annonce pas, sinon ils vont se contenter de cela. On dit, bon, bah, c'est pas grave, puisqu'on n'associe rien à Allah, Allah, il va nous pardonner. De peur que des gens, hein, cela soit un frein. Alors, bonnes actions, il lui a dit, ne leur dis pas. Pour pas que, pour laisse les gens bien agir. Laisse les gens faire des bonnes œuvres. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وفي هذه الآية دلالة على أن المقصود بخلق الجن والإنس هو أن يبتليهم الله بالأوامر والنواهي ويبتليهم بأمور أخرى تعتبر صوارف عن طاعة الله عز وجل فمن تأثر بالصوارف وترك العبادة كان من الخاسرين ومن اشتغل بالعبادة وأخذ من الدنيا ما يستعين به على مطلوبه كان من الناجين وبالله التوفيق. Et dans ce verset, il y a aussi la preuve que le but de la création des djinns et des hommes, c'est pour qu'Allah il les éprouve avec les ordres et les interdits, avec les obligations et les interdits. C'est une épreuve. Tu te dois de t'acquitter des devoirs. Tu te dois de t'abstenir des interdits. Tu es éprouvé par cela. Et aussi, tu es éprouvé par des choses qui viennent à t'écarter de la droiture, à des choses qui viennent te préoccuper de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les ordres et les interdits. Donc, celui qui a été touché par ces obstacles ou ces préoccupations qui sont venues l'éloigner de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a délaissé l'adoration, il sera parmi les perdants. Et celui qui s'est occupé avec l'adoration et il a pris de ce bas monde ce qu'il a besoin pour l'aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il fera partie de ceux qui seront sauvés. Et c'est Allah qui donne la réussite. وهذه الآية أيضا انتهى كلام الشارح. Donc là on a terminé la parole du commentateur. وفي هذه الآية أيضا تنبيه مهم دلالة أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم خلقه الله تبارك وتعالى لعبادته كما خلقنا لعبادته ولكن الله اصطفاه وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام لكن ما خلقنا الله من أجله هذا خطأ وهذا الخطأ نجد كثيرا عند الصوفية يقولون بأن خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وهذا والعياذ بالله تكذيب للآية الكريمة ويأتون بأحاديث هذه الأحاديث لم يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار يأتون بكلام يقولون أن في الحديث أن حينما خلق الله آدم فنظر آدم إلى العرش فرأى لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال من هو من هذا قال هذا من نسلك يعني في معنى الحديث أنه من ذرية آدم ولولا ما خلقت وأنه قال لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك وهذه كلها حديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc je disais, un point essentiel, important, une remarque très importante, que dans ce verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, il y a l'explication, c'est bien clair, la raison pour laquelle Allah il nous a créés. Et il y en a qui prétendent que la raison de notre création, c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une créature, comme nous tous, Allah il l'a créé pour qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah l'a élevé au stade de prophète et de messager, et il a fait de lui le meilleur des enfants d'Adam, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas pour lui qu'Allah il nous a créés. Et on retrouve ces genres de propos et de convictions souvent chez les soufis. Et ils ramènent des hadiths inventés. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a dit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit sur moi ce que je n'ai pas dit, celui qui prétend que j'ai dit une chose alors que je ne l'ai pas dite, qu'il prépare sa place en enfer. C'est mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que lorsque, parmi ce qu'ils citent, que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam, alayhi salam, Adam a regardé vers le trône et il a vu les deux attestations écrites. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il a demandé à Allah, qui est ce nom qui est à côté du tien, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a dit, c'est un de tes descendants, et si ce n'était pour lui, je ne t'aurais pas créé. Et que Allah il a dit aussi, si ce n'était pas pour toi, ô Muhammad, je n'aurais pas créé l'univers, je n'aurais pas créé les créatures. Et tout ça c'est inventé. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit cela. Et ceux qui prétendent cela viennent à démentir la parole divine. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est bien claire, que la raison pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes, c'est pour qu'on l'adore sans rien lui associer. وَأَيْضًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّنَا كُلُّنَا خُلِقْنَا مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا خَطَأٌ عَظِيمٌ. Parmi leurs grandes erreurs, aussi ils disent qu'on a été tous créés depuis la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَيَقُولُونَ بِأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. المحبة لا تعني أنك تكذب على من تحب. Et ils disent, mais nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent que ça, c'est le résultat de leur amour. Aimer quelqu'un ne veut pas dire mentir sur lui, subhanallah. Et dire aimer quelqu'un, prétendre aimer quelqu'un, c'est une chose. Mais d'aller mentir sur lui, subhanallah. ما سبب وقوع النصارى في الشرك. ما سبب وقوع بعض الفرق كالشيعة في الشرك تجاه علي وآل البيت رضي الله عنهم. ما سبب وقوع اليهود في الشرك تجاه العزير عليه السلام؟ ما هو السبب؟ المبالغة في الحب. Quelle est la cause, la raison pour laquelle les chrétiens sont tombés dans le polythéisme vis-à-vis de Isa alayhi salam, Jésus-Christ? Quelle est la raison pour laquelle les juifs sont tombés dans le polythéisme vis-à-vis de l'Uzayr alayhi salam et de certaines sectes comme les chiites vis-à-vis de Ali et des proches de la famille du prophète radiallahu anhum? Quelle est la raison si ce n'est l'exagération dans l'amour? ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح. C'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, n'exagérez pas lorsque vous faites des éloges à mon encontre, comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Marie, Jésus fils de Marie, alayhi salam. Je ne suis qu'un adorateur, un serviteur d'Allah, dit alors le serviteur d'Allah et son messager. Tamdahu an-nabi sallam bima huwa ahlu. Tu fais les éloges du prophète sallam par ce qu'il a. Wa la tata'adda dhalik. Tu ne vas pas plus loin que cela. Hada la yajuz. Kathir fi buldanina يقرؤون البردة. البردة فيها أخطاء كثيرة وخطيرة. يقول البصيري فيما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله, من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا, هذا من جود الله تبارك وتعالى. ومن الذي يعلم ما خطه القلم؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أما النبي لا يعلم ذلك كله, فهو ماذا قال؟ ومن علومك, يعني هذا من بعض علومك, يعني يعلم أكثر من هذا. والقلم قد كتب المقادير كلها, فالنبي يعلم أكثر من هذا. هذا مبالغة في المدح, وهذا يوقع الناس في الشرك والعياذ بالله. Un ouvrage, un poème comme le Bourda sur les éloges sur le prophète sallam, et que dans beaucoup de nos pays ils le lisent, il y a des erreurs graves, il y a du polythéisme, والعياذ بالله. Al-Busayri, qui est l'auteur de ce poème, il dit: et parmi ta générosité, ta donation, il y a ce bas monde. C'est la donation, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait ce bas monde. Et parmi tes connaissances, il y a ce qu'il y a dans, la, dans, dans les tablettes bien gardées et ce qu'a écrit la plume. La plume qui a écrit toutes les destinées, depuis le début jusqu'à la fin. Comme quoi, que parmi ce que connaît le prophète, il y a tout ça. Ça, c'est une grave erreur. Il n'y a qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui connaît cela. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمر في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu désobéis au Dieu tout en prétendant son amour, quelque chose bien étrange. Si ton amour était véridique, tu lui aurais obéi. Car celui qui aime quelqu'un, il lui obéit. والمطلوب منك الاتباع لا الابتداع. Et ce qui t'est demandé, c'est le suivi, la conformité, et non pas l'innovation et l'invention. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه صدق حينما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Il a eu raison, ce grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, lorsqu'il a dit suivez et n'innovez pas, il vous a été suffi. Dans cet enseignement, il n'y a pas besoin de rajouter. فالمحبة دعوة والدعوة تحتاج إلى دليل. كلنا قد يدعي أنا أحب النبي وأنا أحب النبي, لكن ما الدليل على محبتك؟ هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم, هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم, هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم, هو الامتثال بأوامره والانتهاء عن نواهيه عليه الصلاة والسلام. هذا دليل المحبة. La prétention ne suffit pas à elle seule. Tout le monde peut prétendre. Moi j'aime le prophète, moi j'aime le prophète. Ça ne reste qu'une prétention, mais il faut des preuves. Prouve ton amour pour le prophète. Comment tu le prouves? De par ton obéissance au prophète. De par le suivi du prophète, de par la mise en application de ses ordres, le délaissement de ses interdits, de par la prise de défense du prophète. Voilà, tu prouves ton amour pour le prophète. اليهود في المدينة ادعوا محبة الله قالوا نحن نحب الله فأنزل الله تبارك وتعالى قل, يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Les juifs à Médine ont prétendu l'amour d'Allah. Allah a révélé le verset. Dis au Mohammed, si vraiment vous aimez Allah, vous dites que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment vous aimez Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Amma de le dire comme ça, هذا لا يكفي. هذا لا يكفي. فعلى المسلم أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Le musulman se doit de magnifier la sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب ثم قال المؤلف فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Puis l'auteur nous dit, lorsque tu as su qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a créé que pour que tu l'adores, sache que une adoration n'est appelée adoration que si elle est accompagnée avec le monothéisme, avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'une prière n'est appelée prière que si elle est accompagnée avec la purification. Quelqu'un, il ne fait pas les ablutions. Il vient, il fait la prière. Sa prière, elle est bonne ? Elle n'est pas bonne. Mais de vue, on a vu faire une prière. Mais elle est caduque. Pourquoi ? Il n'est pas venu avec la condition de validité. Pareil. Quelqu'un qui fait des adorations, mais dedans, il y a du polythéisme. Eh bien, ce n'est pas une adoration. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue caduque à cause du polythéisme. Donc, lorsque le polythéisme entre dans l'adoration, la adoration, elle devient caduque. Elle devient vaine, de même que lorsque la purification est touchée par une souillure, par une impureté, hein, qui annule l'ablution. Al-Sharh, le commentaire. Wa aqul, laqad mathala al-shaykh rahimahullah بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي، فالشرك يبطل العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة، فمن أدخل في عبادته شركا فقد أفسدها ولم تعد صالحة للاستفادة منها، كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة سواء كان العبد قائما في صلاته أو خارجا عنها، فإن طهارته قد بطلت ولا يمكنه أن يستمر في صلاته إن كان يصلي، أو يدخل فيها إن كان لا يصلي، وإن فعل فإنه يعتبر مجنونا فاسد العقل إذا أراد أن العبادة تستقيم له مع وجود الشرك الأكبر. وكم في آيات القرآن ما يدل على ذلك. Donc, le commentateur rahimahullah nous dit, je dis, le cheikh Mohamed Abdul Wahhab rahimahullah nous a donné un bon exemple. Hein? Un exemple qui va être, il l'a comparé avec une chose qui est comprise par tous et qui est vécue par tous, qui est que la purification, lorsqu'elle est touchée par une souillure, elle devient vaine. Tu as fait tes ablutions, tu as perdu tes ablutions, tu ne les as plus. Donc tu es obligé de refaire les ablutions. Tu ne peux pas aller prier. De même, le polythéisme vient à faire tomber, à rendre caduque, comme la souillure le fait avec la purification. Celui qui a entré, qui a fait entrer dans son adoration du polythéisme, il a rendu son action vaine. Il l'a fait perdre. Et cet acte, il n'est plus bon. Et il n'a plus aucun bénéfice là-dedans. De même que la souillure, si elle vient à entrer, à toucher la purification, c'est la même chose. Et ça, que ce soit une personne qui est déjà debout dans sa prière, ou une personne qui va aller accomplir une prière. Dans les deux cas, il ne peut pas. Car sa purification n'a plus lieu d'être. Et donc, il ne lui est plus permis, il ne peut plus rester dans sa prière si cela lui est arrivé en pleine prière. Et il ne pourra pas accomplir une prière s'il n'était pas dedans. Dans les deux cas, il ne peut pas prier. Et si jamais il insiste, quelqu'un il est en prière, il perd ses ablutions, mais il continue. Ou alors, il n'a pas ses ablutions, il entre dans la prière, dans cet état-là. Il sera considéré comme quelqu'un de fou qui n'a plus sa raison. Il est en train de faire une œuvre qui n'aura aucun résultat. Elle lui sera rejetée. Elle ne sera pas acceptée. De même que l'adoration ne peut être bonne, ne peut être authentique, alors qu'il y a présence du grand polythéisme. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent de cela. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah nous dit dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et en dehors de cela il pardonne à qui il veut, en dehors du polythéisme. وقال الله على لسان عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et Allah nous dit, d'après les paroles de Isa ibn Maryam عليه السلام, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Car celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et il n'aura comme demeure que l'enfer, et les injustes n'auront aucun secoureur. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et certainement, il a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, parmi les prophètes et les messagers, que si jamais tu viens associer, ton œuvre tombera, et tu seras parmi les perdants. وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les prophètes, les noms des prophètes, de certains prophètes, dans la sourate les bestiaux, Al-An'am, il dit, dans le sens du verset, voilà la guidée d'Allah vers laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs, et si ils viennent à associer, tout ce qu'ils ont œuvré viendrait à tomber. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum.